Les petites histoires de Tell Me. Cette histoire a été diffusée en octobre 2018. Le Graboulox. Je suis confortablement allongé dans mon lit, le nez qui dépasse et les pieds bien calés sous un drap tout doux. Papa me raconte une nouvelle histoire des pirates de l'espace. Avec leurs aventures, on ne s'ennuie jamais. Mais au moment où le suspense est à son comble, il ferme le livre et me dit avec un petit sourire en coin « Que va-t-il se passer? Le capitaine Zirg et son équipage vont-ils s'en sortir? Tu le sauras demain, ma chérie !»« Mais c'est pas juste !»« Il est tard, Tiana. Tu n'as qu'à imaginer la suite dans tes rêves et on pourra comparer demain !» Je sais que papa a créé ce jeu exprès pour que je m'endorme et je le trouve génial. Seulement ce soir, je n'ai pas envie qu'il me laisse. Depuis plusieurs jours, j'entends de drôles de bruits dans ma chambre. « Papa, est-ce que c'est normal d'entendre des bruits dans une maison ?»« Ça arrive, oui. »« Ce n'est pas possible qu'il y ait des monstres, alors ?»« Non, ma chérie. »« Même si j'entends des murmures ?»« Tu sais, quand j'avais ton âge, j'avais toujours un peu peur du noir. J'imaginais qu'il y avait des monstres au bout de mon lit, je pouvais les voir parfois. »« Ah bon ?»« Oui. » Et puis grand-père m'a expliqué qu'avec la peur, notre imagination peut faire apparaître des choses. Et depuis ce jour, ils ne sont jamais réapparus. Papa a peut-être raison, mais je tends quand même l'oreille à la minute où il ferme ma porte. Je n'entends rien de particulier. Bientôt, me voilà à rêver des pirates de l'espace. Le lendemain, je me réveille en m'étirant comme un chat. J'adore le matin parce que le soleil vient me chatouiller le visage. Avec le chant des oiseaux, c'est encore plus chouette. Sauf que ça fait quelques jours que je ne les entends plus. Maman ouvre brusquement la porte de ma chambre. « Tiana ?» Quand elle m'appelle par mon prénom, ce n'est pas bon signe. « Est-ce que tu es sortie de ta chambre pour grignoter ?»« Pourquoi je ferais ça ?»« Il n'y a plus de pain et plus de chocolat, seulement des miettes qui amènent jusque dans ta chambre. Regarde ce bazar par terre !» Elle pointe le sol. Il est recouvert de miettes. Il y en a plein ma chambre. Maman ne me laisse pas le temps de répondre. Elle poursuit très agacée. Je ne te raconte pas dans quel état se trouve la cuisine. D'ici à ce que l'on range tout avec ton père, tu es consigné dans ta chambre. Elle aurait pu me croire, non? Je sais quand même ce que je fais. Mais qui est le coupable? Je suis tellement en colère que je cache ma tête dans mon coussin pour crier un grand coup. Si jamais j'attrape celui qui a fait ça, il va passer un sale quart d'heure. « Nous sommes désolés, Tiana !» Je lève la tête. Mes larmes s'arrêtent de couler net. Ma mâchoire manque de se décrocher. Au pied de mon lit, je ne vois pas un, pas deux, pas trois, mais 20 lutins, pas plus haut qu'une carotte. Tous identiques, avec leurs petits pieds velus, leurs petites salopettes jaunes, leurs mains potelées, le visage joufflu et barbu surmonté d'un chapeau vert tout pointu. L'un d'eux est plus vieux, sa barbe traîne par terre. Il est voûté, les mains dans le dos, il s'excuse de nouveau. « Ne nous en veux pas, mais nous n'avons rien mangé depuis des jours !» Les questions se bousculent dans ma tête. Le vieux gnome me regarde bienveillant. « Je m'appelle Tarf, je suis le chef des lutins. Nous nous sommes cachés chez toi à cause du Graboulox. » « Le Grabou quoi ?»« Le Graboulox, c'est le démon de la forêt. Il est tout vert. » Il a quatre bras, ses griffes sont de vraies lames de rasoir et son dos est recouvert de piques. Il est plus petit que nous, mais il est fort comme 100 lutins. Il est toujours en colère et veut la forêt pour lui tout seul. La forêt? Celle au bout du jardin? Pourquoi? Oui, cette forêt-là, nous y vivons. On ne sait pas pourquoi il est si méchant, mais il a réussi à chasser tout le monde. Tu l'as sans doute remarqué, il n'y a plus de bruit dans la forêt. C'est vrai ça? Et vous ne pouvez pas le chasser, votre Graboulox ? Graboulox ! On peut seulement l'emprisonner. Tout ce qu'il faut, c'est une tarte au citron et une goutte de soleil. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Quoi ? On ne peut pas battre le Graboulox, mais le soleil le transforme en statue. Elle sert à quoi, la tarte au citron, alors ? À l'attirer. C'est son péché mignon. Quand il en voit une, il perd tous ses moyens. Et c'est quoi une goutte de soleil? C'est une goutte de rosée du matin gorgée de soleil. Mais si vous savez comment le capturer, pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien, il y a un souci. Tous les lutins regardent d'ailleurs comme gênés. On ne sait pas cuisiner. Mon papa fait super bien les gâteaux. Sans réfléchir, je me rue dans la cuisine pour tirer mon père dans ma chambre. Dès qu'il voit les lutins, il s'écrie « Oh mon Dieu !» Maman se précipite dans la chambre et pousse un cri strident qui fait sursauter tout le monde. Après qu'il soit calmé, je leur explique la situation. Papa accepte avec joie de faire une tarte au citron. Mais Tarf nous explique qu'il y a un autre souci. La goutte de soleil doit être sertie dans un pendentif resté au village. Il faut donc s'aventurer dans la forêt. Je propose d'y aller, mais maman refuse catégoriquement. Alors je lui dis que j'ai bientôt 9 ans, qu'il faut aider les lutins et que rien de mal ne peut m'arriver. Pour la rassurer, j'enfile mes protections de roller, coudière, genouillère, protège-poignet, casque, et je prends ma crosse de hockey. Accompagné de Tarf, je m'engouffre dans la forêt. Malgré ses belles couleurs, le silence la rend lugubre. Soudain, un buisson bouge et le Graboulox me bondit dessus. Il est plus moche que je ne le pensais. Effrayé, je recule. Ses griffes passent à un cheveu de mon visage. Le démon se tient face à nous, de la bave marron coule de sa gueule. « Tu penses pouvoir l'occuper ? Je vais essayer. Je reviens le plus vite possible. » Tarf part à toute allure. Le Graboulox se lance à sa poursuite, mais je l'intercepte avec un coup de crosse si violent qu'il s'écrase 10 mètres plus loin. Il revient à la charge, furieux. Il saute et me porte un coup. Ses griffes me font l'effet d'une feuille de papier qui me taille la peau. Je hurle de rage pour ne pas pleurer. Le Graboulox se jette à nouveau sur moi. Je tombe à la renverse, mais je roule sur le côté. Le démon atterrit si violemment que ses griffes se plantent dans le sol. Il est coincé. Je me relève en 4e vitesse. Tarf apparaît triomphant, il a le pendentif. Nous partons comme 2 flèches. Presque arrivés dans mon jardin, le monstre nous rattrape et me lacère le mollet. Je m'écroule, hurlant de douleur. Maman déboule alors comme une furie, le visage déformé par la colère. « Laisse ma fille, sale démon !» hurle-t-elle. Le Graboulox prend peur et s'enfuit. Le calme revient. Maman pense mes plaies. Tarf trouve près d'un buisson une perle de rosée qu'il dépose délicatement dans le pendentif. Le reste des lutins construit le piège, juste au bord de la forêt. C'est une petite tonnelle composée de 4 petits morceaux de bois pour les pieds et de brins d'herbe tissés pour le toit. Il déroule un petit fil jusqu'à la maison. Il n'y aura qu'à tirer dessus pour faire sauter le toit et exposer le Graboulox au rayon du soleil. Papa sort avec la tarte au citron, elle sent merveilleusement bon. Il la dépose sous la tonnelle. Puis nous attendons, cachés derrière les meubles du jardin. Après de longues minutes d'attente, le démon se montre, reniflant l'air. Quand il sent la tarte au citron, il se jette dessus et la dévore bruyamment. Sans perdre une seconde, je tire sur le fil et le Graboulox se transforme instantanément en pierre. Tout le monde saute de joie et se félicite. Sans tarder, les lutins repartent vers la forêt avec la statue du Graboulox. Autour de son cou, la goutte de soleil scintille. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Mathieu Jonnel et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !